C'est à la boutique Écotantique qu'on peut s'en procurer. Venez découvrir la plante la plus fantastique que la nature nous a donnée. Pour vos cadeaux, la boutique Écotantique vous offre un vaste choix de produits écologiques, dont les vêtements Abaca fabriqués à Shawinigan. 160 rue Saint-Paul dans le Vieux-Port. 418-692-0118. Écotantique.com. 89.1. Le grain de sable d'Attaque, Québec, 10e année. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Le Grain de Sable. Oui, la chanson qui vient de jouer, ça griche un peu au début, c'est voulu, c'est un effet technique qu'on a fait, mais on va refaire le thème, je vous le jure, pour 2015. C'est la chanson qu'on a choisie pour 2014-2015, pour son côté optimiste. Je ne sais pas si vous avez compris les paroles, mais « Derrière l'orage, le soleil brille, l'as-tu vu? Si je te disais que tout peut changer, me croirais-tu? » Et donc, je trouve que ça cadre bien avec le thème de l'émission Le Grain de Sable. Derrière cette émission-là, c'est le mouvement Attaque. Nous, on est évidemment Attaque Québec. Attaque, c'est un mouvement mondial. Puis ça sonne un peu méchant, Attaque, là, mais on est en quelque sorte à l'attaque, mais au niveau démocratique, au niveau pouvoir citoyen. Donc, vous savez, on nous a éduqués comme quoi on était en démocratie. Donc, nous, on est un mouvement qui va tenir la société au mot. On veille au grain. Par exemple, on va regarder les accords de libre-échange et voir c'est quoi les pièges démocratiques là-dedans, c'est quoi les enjeux citoyens, en quoi ça nous touche, en quoi ça nous concerne. Donc, on est un mouvement comme ça. Et ATTAC, en bout de ligne, ça veut dire l'Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne. C'est une longue histoire. On a fait une émission spéciale pour vous expliquer c'est quoi. Mais en gros, on va tout simplement aujourd'hui vous parler de sujets d'actualité, de thèmes d'intérêt public, mais très brièvement, puisqu'on est le 20 décembre. L'émission va être un peu plus musicale, plus ludique. D'ailleurs, mon équipe est en vacances. Puis, ben, je suis heureux. Ah, ben, en fait, je suis pas heureux qu'ils soient pas ici, mais je suis heureux de leur donner des vacances, puisqu'ils ont travaillé très dur cette année. C'est quand même une émission d'actualité, d'information publique produite bénévolement. Donc, je vais faire un peu d'actualité. On va parler d'environnement et de sujets internationaux et du Québec, beaucoup aussi. Mais ça va surtout être musical. D'ailleurs, on va commencer par la chanson, « Soyons fous » du groupe Les Petits Nacelles. Je suis le premier à manquer, mais je suis le premier à faire, à l'inverse de mes discours, tout est son contraire. Je suis le premier à redire, le premier à rechigner, à crier sur tous les toits, fais pas ci, n'achète pas ça. Mais moi j'ai un espace Renault, car j'ai déjà un Marot. Moi j'ai un frigo high-tech, où je peux ranger 6 pastèques. Moi j'ai une Honda 500, que même je peux faire du 200. Moi j'ai un autoradio étanche à l'eau, 3 télé à écran plat, parce qu'il y a 3 chambres chez moi, un PC pour elle et moi. Quand on se Facebook, c'est sympa. Un troisième pour la gamine, bah oui, quand même, c'est plus intime. Une ribambelle de disque dur en 4 coups durs, car comme dit l'autre, si le client est roi, il a le droit d'être le roi des. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a-t-elle fait perdre la tête? Moi j'ai mis l'appli iPhone, rien que pour la déconne. Mais j'ai pas encore l'iPad, quoi qu'à crédit c'est peut-être jouable. Moi j'ai un 4x4 bleu gris, depuis que j'habite à Paris. Moi j'ai la clim dans les toilettes, depuis je me sens mieux dans ma tête. 147 films récents, que je regarde pas, j'ai pas le temps. Tous les derniers best-sellers, conseillés par ma belle-sœur. Le live intégral de Johnny, en Blu-ray au début. chez moi. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a-t-elle fait perdre la tête? Moi j'ai ci, moi j'ai ça. Moi j'ai ci, moi j'ai ça. Je suis le premier à moquer, mais je suis le premier à faire, à l'inverse de mes discours, tout est son contraire. Je suis le premier à redire, le premier à rechigner, à crier sur tous les toits, fais pas ci, n'achète pas ça. Mais moi j'ai une assurance vie, avec forfait illimité, pour le jour où vous serez en deuil. Que tout ça tienne dans mon cercueil, jusqu'au bout, faut jusqu'au trognon. Car c'est à moi, jusqu'au bout, faut jusqu'au trognon. Rien qu'à moi, jusqu'au bout. C'est à moi, la la la la la. Jusqu'au trognon, soyons cons jusqu'au bout. Soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout. Soyons fous jusqu'au trognon. On ne trouvera jamais le temps de faire la révolution. Soyons fous. J'adore cette chanson du groupe français Les Tinacelles. Je trouvais que ça va bien avec le temps des fêtes. Vous verrez ce que vous en pensez. Au début de l'émission, j'ai pas parlé beaucoup. Je veux parler le moins possible aujourd'hui, à part quelques points d'actualité. Puis je vous dis que la chanson thème est optimiste et je trouve ça important. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, c'est un climat social un peu particulier où il y a plein de gens autour de moi qui dépriment. Il y a des gens qui prévoient les pires catastrophes, la fin du monde. J'en ris parce que moi, j'y crois pas, mais faut voir que je suis quand même très allumé, très informé. Je suis conscient de toutes les... La semaine passée, même, on parlait même de prophéties autochtones qui nous dit qu'on est à la croisée des chemins, qu'on a des choix importants à faire et que certains de nos choix mènent à des formes de destruction et de chaos. Donc, on est conscient de tout ça, mais le mouvement attaque, on est en mode proposition et on croit. On croit beaucoup en notre capacité. Au Québec, là, on a des brillants ingénieurs, brillantes ingénieures. Nous avons tout à fait les moyens hein, de développer des nouvelles manières de produire, de transporter, de gérer nos déchets. Donc, je reste optimiste, même si, de manière rationnelle, je dirais même de manière plutôt scientifique, l'humanité, on va certainement frapper un mur bientôt. Un mur écologique, parce que les ressources sur Terre sont limitées, mais ce n'est pas la fin du monde, ça sera plutôt l'occasion. On va être obligé, en fait, de faire les choses autrement. Donc, un petit point d'actualité pour l'année 2014. En fait, de 2003 à 2013, pour être précis, les entreprises canadiennes ont doublé leurs profits, ce qui devrait être une bonne nouvelle, mais leur impôt total payé a baissé. Maintenant, je sais pas, c'est assez frappant, c'est assez inconcevable. Sur 10 années, ils doublent leurs profits, le total d'impôts payés au Canada a diminué. C'est assez fou. Et cette statistique circule beaucoup sur Facebook et elle provient réellement des chiffres de Statistique Canada. C'est un fait objectif, étrangement, croyez-le ou non. Alors, on passe justement à la chanson « La crise » du groupe « L'homme parle ». On l'a déjà joué durant l'année, mais c'est une chanson très parlante, justement, d'un groupe français. Viendra un jour, mon patron me dira, allez, je vous augmente aussi, mais aujourd'hui je vous licencie. Merci au pot de la langue de bois, merci au rêve d'un millionnaire, donnez des pièces jaunes à Carla pour qu'elle nous sorte de la galère. Merci aux banques sans foi ni loi, le pouvoir d'achat ne me connaît pas, la seule bourse assez bien pour moi, c'est celle que je touche à la fin du mois. Alors pour tous, un grand merci à Sarkozy. Grâce à vous tous, on se dit, bon Dieu, dans quel monde on vit. Du FMI au RMI. surprise, surtout pour ceux qui connaissent la crise. Je lève mon verre à votre santé, avant qu'on se fasse tous sauter. Moi dans la vie je m'en fais pas, je bouffe des pâtes à tous les repas. Embrassez pour moi la famille, pendant que mes frères crient à la famine. Merci Monsanto pour tous tes beaux OGM. Merci à Quick et McDo pour nous vendre la bouffe qu'on aime. La course à la consommation produit des cons sans sommation. Et vous qui trouvez tout horrible, moi je dis qu'ensemble tout est possible. C'est pas grave, on vous pardonne quand tue le monde à sa perte. Bien sûr, vous avez la dent, nous on va avec les restes. Reprends une part de conneries pour le dessert. Je sais que t'en as marre, mais y'a que ça qui reste pas cher. Je vous jette pas la pierre, vous qui bossez comme des fous pour nous sortir de la galère. Après tout, j'ai voté pour vous. La croisière s'amuse pendant qu'on patoche dans la boue. Excusez-moi, j'abuse, je suis dans la mer jusqu'au cou. Du FMI au RMI. Des ministères à la misère, de la CGT au MEDEF, qu'un niveau à la tête de l'État, de chapeau au RSA, la France en haut à celle d'en bas. Il n'y a qu'un plan. Sur le monde en morceaux, et la valse commence, toujours sur le même tempo. Alors on danse sur le monde en morceaux, après tout quelle importance. Elle me touchera pas. Et oui, je vis au crochet de l'État. Je m'en fous, je peux planter ma société. On fera tourner la planche à billets. Sans parachute, c'est le crash assuré. À moins d'être un bon pote à clavier. Le fait du roi est devenu loi. Et ça se passe juste en bas de chez moi. Merci aux ministres de l'ouverture qui ont fait de la France une caricature. Merci à tous de nous prouver que vous êtes tous dans le même panier. J'aurais voulu être socialiste si j'écoutais mes rêves d'enfant. Et tous ces beaux noms sur les listes sont dans le cimetière des éléphants. En bas du rété comme hiver, y'a pas de saison pour la galère. Pour les vacances, on reste chez nous, au prix de l'essence, faut créer à tout. Et expliquez-moi, vous à la tête de l'État, je comprends pas, j'ai pas fait Sciences Po ou l'ENA. Merci aux puissants pour les 1%. J'en demandais pas tant, moi RSA m'attend. De toute manière, qu'est-ce qu'on y peut? On est pauvre avant d'être vieux. Prends les choses du bon côté, on est vivant, qu'est-ce que tu veux de mieux? RMI, oh RMI. De l'ISF à SDF, les ministères à la misère, de la CGT au MEDEF, du caniveau à la tête de l'État, de chapeau au RSA, de la France en haut à celle d'en bas. Il n'y a qu'un plan. Sur le monde en morceaux, et la valse commence, toujours sur le même tempo. C'était la chanson L'Homme parle, non, en fait la chanson La Crise, pardon, du groupe L'Homme parle, qui est un groupe en fait avec une chanteuse, là. L'Homme avec un grand H, donc. Mais brièvement, je vous présente aussi une capsule sur l'économie sociale. En fait, ça a été produit par la coopérative Funambule Média pour le chantier de l'économie sociale et le centre de la francophonie des Amériques. C'est une petite capsule assez courte qui explique très bien c'est quoi l'économie sociale. Voici. Vous êtes préoccupé par les conséquences sociales et environnementales du modèle de développement actuel? Il existe une alternative, l'économie sociale. L'économie sociale combine ensemble deux notions qu'on oppose souvent. L'économie, qui regroupe les activités relatives à la production, la distribution et à la vente de biens et de services, et le social, qui se rapporte à une communauté et aux rapports que les personnes qui en font partie entretiennent entre elles. L'économie sociale, c'est l'ensemble des activités entrepreneuriales portées par un objectif social fort et une volonté de ses membres d'en faire un projet économiquement viable. C'est mettre l'économie au service du social. Dans l'économie traditionnelle, la rentabilité se mesure en termes de profit. Dans l'économie sociale, elle se mesure par l'amélioration de la qualité de vie d'une communauté. Plutôt que le profit à tout prix, c'est la personne à tout prix. Les entreprises d'économie sociale sont présentes dans de nombreux secteurs. Elles rassemblent une multitude d'initiatives, comme des coopératives d'habitation, des associations de travailleurs, des entreprises d'insertion à l'emploi et des centres culturels. Elles changent le monde, un produit ou un service à la fois. Une entreprise d'économie sociale, ça fonctionne comment? Pour parler d'économie sociale, il faut trois choses. La rentabilité économique, la gestion démocratique et une mission qui réponde aux besoins d'une communauté. L'entreprise d'économie sociale a cinq caractéristiques principales. Premièrement, elle existe d'abord pour servir ses membres et sa communauté. Elle jouit d'une autonomie de gestion face à l'État, ce qui veut dire que l'État n'intervient pas dans sa prise de décision. Elle est également démocratique. En simple, une personne égale un vote. Ce mode de gestion permet à tous de dire leur mot et crée un sentiment d'appartenance envers le projet collectif. En économie sociale, il n'y a pas de propriétaire ou d'actionnaire qui cherche le profit. L'argent généré par l'entreprise est une propriété collective et doit être retourné aux membres ou à la collectivité pour poursuivre un objectif commun. Enfin, l'entreprise d'économie sociale repose sur des principes de participation, de prise en charge et de responsabilité individuelle et collective. Elle est gérée par et pour les citoyens. En somme, les entreprises d'économie sociale représentent un modèle de gestion à échelle humaine qui génère des retombées économiques, sociales, culturelles et environnementales positives partout où elles s'implantent. Oui, alors c'était produit par Funambule Média, qui est une coopérative de Montréal. On passe en musique avec la chanson « Tout tourne autour du soleil » de Kenny Arcana. Chanson positive, et je le précise parce que les chansons de Kenny sont pas toujours positives, mais celle-ci est fort intéressante. M'a dit, sèche tes larmes, le ciel ne se venge pas. Reste-toi, sois fort, tout le monde te changera. Accroche-toi à ta flamme et transmute la fable. Relève-toi vite à chaque fois que ce monde te fait un croche-patte. Ne cultive pas la haine ou elle te mangera. Guéris, car si tu es mal en toi-même, ce sera pareil autre part. Si tu cherches un coupable, regarde-toi dans la glace. Ta réalité, tu l'as fait, elle n'est rien d'autre qu'une question d'octave. La vie m'a dit, bonheur dépend de ton regard. De ce que tu dégages, ceux qui n'ont pas peur du vide ne tombent pas. Car la peur attire tout à elle, magnétique. Les erreurs se répètent parce qu'on cultive l'amnésie. Elle m'a dit, ne juge pas, évite les pensifs. T'analyse tes analyses, car tes pensées te construisent. Ne banalise jamais, tout est unique, médite ça. Et si tu ne sais où aller, recueille-toi, le ciel te guidera. La vie m'a dit qu'elle était plus grande que tout ce que l'on croit. Abondant dans l'imagine austère. Elle m'a dit, ma puissance est en toi. Fais le vide et retrouve-la, fais le vide et retrouve-toi. Lumière divine, oui, bien plus grande que tout ce que l'on voit. Enfant oublié de notre terre. Elle m'a dit, le soleil est en toi. Et tout tourne autour du soleil. La vie m'a dit, écoute les mots que je te souffle. Prends-toi en main plutôt qu'appeler au secours. Ancre-toi dans le présent et son mouvement. Apprendre à donner vraiment, c'est ne rien attendre en retour. Rien n'est trop tard si tu crois t'être trompé de route. Écoute l'intuition, elle fera disparaître le doute. Elle te relie à toi-même, te délivre. Chaque humain voué à prier, que le ciel te bénisse. La vie m'a dit, n'aie pas peur de te tromper. Les erreurs font grandir et puis faut oser pour être entier. Y'a que toi qui décidera du sens de ton sentier. Lâcher prise de résister, voir la vie avec un grand V. Seul amour peut guérir. Et sa personne ne pourra te l'enlever. Maîtrise ton esprit, tout ce que tu vis, tu l'as engendré. Elle m'a dit, ne te rends pas, ton âme ne se vend pas. Aime tout ce qui vit et tout ce qui vit te le rendra. La vie m'a dit qu'elle était plus grande que tout ce que l'on croit. Abondant dans l'imagine austère. Elle m'a dit, ma puissance est en toi. Fais le vide et retrouve-la, fais le vide et retrouve-toi. Lumière divine, oui, bien plus grande que tout ce que l'on voit. Enfant oublié de notre terre. Elle m'a dit, le soleil est en toi. La vie m'a dit, crois en toi, rien n'est impossible. Fuis l'orgueil, c'est par lui que les cœurs s'appauvrissent. Reste intègre, fille de la terre, mensonge ne sera jamais vérité. Même si des foules entières l'applaudissent. Parle vrai, pas comme tous ces mots qu'on a trop dit. Si tu n'ouvres pas ton cœur, comment veux-tu que la lumière s'introduise? Reste fidèle à tes convictions, aime sans condition. Elle m'a dit, pose-toi les bonnes questions. La vie m'a dit, toi seul connais tes rêves. Préserve-les car les dévoiler, c'est risquer de les perdre. T'accroches à rien ici, pas tout est éphémère. Reste près de ton cœur, même si si tu passes par les ténèbres, tout part de toi, ta réalité te reflète. Parce que l'on voit ce que l'on croit et que l'on est ce que l'on souhaite être. La vie m'a dit ose-moi, reconnais-toi en l'autre, car l'autre est un autre toi. La vie m'a dit qu'elle était plus grande que tout ce que l'on croit. Abondant pour l'imaginosphère. Elle m'a dit ma puissance est en toi. Le vide et retrouve la vie, le vide et retrouve-toi. Lumière divine, oui, bien plus grande que tout ce que l'on voit. Enfant oublié de notre terre. Elle m'a dit le soleil est en toi. Et tout tourne autour du soleil. N'oublie pas la magie de la sagesse. Donc tu peux penser, car elle émane chaque mot, chaque geste, ma fille. Les germes du concret fleurissent d'abord dans la tête, au fond de la terre. Rebienvenue à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89,1 FM. Donc, avant d'aller en musique et en pause publicitaire, quelques nouvelles d'actualité pour l'année 2014. Des nouvelles tristes, malheureusement. C'est le bloc mauvaise nouvelle, mais ça va être bref. Je vais faire ce bref. Donc, en Espagne, cette année, en décembre, en fait, ce mois-ci, le gouvernement a adopté des lois extrêmement sévères contre les manifestations. En fait, les manifestations, seules les manifs permises par l'État, imaginez-vous donc, seront autorisées. Sinon, sous peine d'amende gigantesque. On parle de 30 000 euros jusqu'à 60 000 euros. C'est fou. Et, exemple, le simple fait de photographier un policier en action peut être considéré une entrave et vous valoir une fortune d'amende et un beau procès. La répression a d'ailleurs déjà commencé. Il faut voir que les mesures d'austérité du gouvernement est assez impopulaire et qu'en Espagne, il y a un puissant mouvement démocratique. Rappel historique, le régime fasciste de Franco a duré jusqu'en environ 1970. Chose que très peu de gens savent parce que ça paraît pas bien pour l'Occident, parce que l'Occident a toléré ce régime fasciste et l'a même appuyé jusqu'en 1970. Les premières élections libres ont été en 1977. Tout récemment, comme vous le savez, il y a eu un massacre épouvantable au Pakistan. Plus de 100 enfants ont été massacrés par des talibans afghans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une il y a une pétition mondiale sur le réseau Avaz, c'est-à-dire A-V-A-A-Z. avaz.org. Il y a une pétition qui a presque 1 million de signatures qui demande donc le droit à l'éducation pour tous les enfants. Donc, l'ONU a promis que tous les enfants auraient une éducation de base. C'est pas tout à fait encore. Et en Afghanistan, c'est un peu le genre de revendication qui est fait quand il y a des massacres de la part des talibans. Vous connaissez peut-être la jeune Malala qui a survécu quelque chose d'assez horrible et qui maintenant promeut à travers le monde l'éducation accessible pour tous les enfants. Ça console pas les parents, mais ça envoie un message important, donc avaz.org. Finalement, en 2014, sur le même sujet un peu triste, là, je dois mentionner que Israël a bombardé quand même la bande de Gaza. Faut le dire, du côté israélien, il y a eu 6 civils de tuer. Du côté de Gaza, plus de 2000 personnes, c'est-à-dire plus de 500 enfants. Donc, je nomme les faits. Je ne veux pas commenter et tout. Vous devenez... Moi, je croise parfois des fanatiques pro-israéliens et je ne veux, veux pas trop en parler. Mais il faut le dire. Après tout, les talibans afghans, dans le cas du massacre au Pakistan, ont expliqué que l'armée pakistanaise a commis des crimes et a réprimé leur communauté, leur famille, ainsi de suite. Et donc, ça me rappelle l'idée que un crime de guerre ne peut pas être justifié par un autre crime de guerre. Un crime contre l'humanité ne peut pas être justifié par un autre crime contre l'humanité. Donc, avoir quelques personnes tuées de son côté ne justifie pas de massacrer ou de bombarder allègrement les civils de l'autre côté. Donc, malheureusement, en 2014, ça n'a pas été exactement la meilleure année à ce niveau-là. Espérons qu'en 2015, ça ira mieux. Et une chanson qui va bien avec le sujet s'appelle « La mécanique de l'inhumain », chantée par la Parisienne Libérée. C'est une chanson qu'elle a faite en 2011 et vous pourrez écouter la chanson et deviner de quoi elle parle. Cette mécanique de l'inhumain, Ça s'est passé il y a longtemps, je me rappelle, mes grands-parents n'aimaient pas qu'on parle de ça, et d'ailleurs on n'en parlait pas. Ça s'est passé il y a longtemps, on voit encore ici ou là, sur un écran de cinéma, un train qui part vers le néant. La mécanique de l'inhumain a quand même bien pris un chemin pour arriver jusqu'en enfer. Et si le train n'y est pour rien, le cheminot, lui, le sait bien que c'était un chemin de fer. Je comprends que pour les victimes, il soit important qu'on désigne les responsables du moment et qu'on les soumette au jugement. Je comprends qu'il soit compliqué d'accuser une société un peu publique, un peu privée, bien défendue des deux côtés. La mécanique de l'inhumain a quand même bien pris un chemin pour arriver jusqu'en enfer. Et si le train n'y est pour rien, le cheminot, lui, le sait bien que c'était un chemin de fer. Ça s'est passé il y a longtemps, on en reparle maintenant pour exporter un TGV sur un marché à l'étranger. Pour un Miami Orlando, un Sacramento San Diego, on est prêt à se rappeler que la France a collaboré. La SNCF de l'époque, réquisitionnée, prit part à cette mécanique de l'inhumain, conformément au programme de l'occupant nazi et de ses collaborateurs français. Cette mécanique de l'inhumain a quand même bien fait son chemin le long d'une voie ferroviaire. Il aura fallu que quelqu'un signe les ordres de sa main, et c'était une main de fer. 89.1. Il mélange les spermes du mari, d'une quantité qui est fixe, et les spermes du mari fertilisent l'œuf. La femme, la mère. Vous écoutez CKRL. Outre l'intérêt des enfants à naître, l'espacement raisonnable des naissances constitue aussi un facteur essentiel pour l'équilibre du couple, pour la santé physique et mentale de la femme et pour son épanouissement. L'insécurité est la chose la mieux partagée du monde. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Ceci est un message d'intérêt public. Pour le temps des fêtes, on vous souhaite de couper le Wi-Fi et de parler avec les gens qui sont là. Une sensation vintage vous envahira. Ce message n'a pas été payé par le gouvernement du Canada, mais par le triplex suspendu. Passez de joyeuses fêtes! Ah, toi et moi, le triplex suspendu, c'est pour la vie. Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Du 17 décembre au 11 janvier, le Cercle des auteurs de la Relève de Québec occupe la galerie de la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste avec l'exposition littéraire Fragments. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus. Le 21 décembre à l'AJT des 20h, Sylvia vous convie à la guignolée des musiciens. L'auteur-compositrice-interprète de Québec crée un événement unique pour le temps des fêtes afin d'amasser des fonds pour la production de son deuxième album, à paraître au printemps 2015. Parlez comme si vous étiez déjà rendu à la Coupe Stanley. Plus d'entendre ses nouvelles chansons, Sylvia invite plusieurs artistes à partager la scène pour l'occasion. Danny Placard, Les Chercheurs d'Or, Gab Paquette, Jenner Hart, Stéphane Robitaille, Pierre-Hervé Goulet, Jérôme Casaban et Hugo Lemalt. La guignolée des musiciens de Sylvia, le 21 décembre prochain à l'Agité, 20h. Pour Noël, offrez-vous du temps en vous procurant des plats préparés à la Fournée Bio, la boulangerie artisanale de Limoilou. Essayez nos pâtés à la viande de grand-mère, nos bûches traditionnelles faites de pâte blanche garnies de confiture maison et de crème au beurre et chocolat, ou encore notre bûche classique à l'érable. Toutes nos bûches sont disponibles en format mini, moyenne ou grande. Réservez vos plats et desserts à la Fournée Bio au 88 522 44 41 ou bien au 1296 3e Avenue à Limoilou. KRL 89.1. Re-bienvenue à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL. Ce samedi et samedi le 27 décembre, particulièrement samedi 3 janvier, l'émission sera particulièrement musicale, mais on met quelques capsules et un petit peu d'actualité à travers tout ça. Pour le temps des fêtes, évidemment, je donne des vacances à mon équipe le plus possible. Mais j'ai des nouvelles positives concernant l'environnement. Et oui, je fais des efforts pour mettre un peu de positif dans tout ça. Et c'est la revue de l'année 2014 de Équiterre. Ça commence aux États-Unis, en fait, très brièvement. Là, il y a eu une grande marche des peuples qui a réuni quand même 400 000 personnes à New York. C'est du jamais vu, du moins aux États-Unis. Et il y a des manifestations qui ont eu lieu en même temps dans 178 villes du monde, incluant Montréal et Québec. Aux États-Unis toujours, en 2014, 53% des nouvelles installations de production d'électricité sont désormais solaires. C'est des installations solaires qui ont été faites cette année. Et les experts prévoient qu'en 2050, la moitié de l'énergie devrait être solaire aux États-Unis. Au Canada maintenant. Au Canada, la situation est considérée pitoyable selon Équiterre. Le secrétaire général de l'ONU pointe du doigt publiquement le gouvernement de M. Harper, et surtout sur la question des changements climatiques. Le premier ministre a décidé d'ailleurs de ne pas demander au secteur pétrolier de réduire ses gaz à émissions, ses gaz d'effet de serre, qui est un peu particulier. Je veux dire, l'industrie pétrolière est quand même un des plus gros morceaux. Et en plus, il avait promis lors de son discours du trône, il y a 5 ministres de l'Environnement au Canada qui se sont succédés depuis 2006 qui promettaient de le faire. Ça s'est toujours pas fait. Sur le côté des sables bitumineux de l'Alberta, il y a une étude importante aux États-Unis qui a démontré que les groupes citoyens ou mouvements sociaux auraient eu un impact mesurable. En fait, on chiffre à 30 milliards de dollars les pertes à l'industrie des sables bitumineux. Donc, pour Équiterre, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, au Québec. Au Québec, c'est sans contredit la question du projet de pipeline Énergie-Est de la compagnie TransCanada qui a fait la sellette cette année. Infoman, d'ailleurs, a fait un excellent topo très clair sur le sujet, toujours agréable. Et l'année a commencé un peu étrange, là, avec le projet de port pétrolier à Kakuna, à quelques mètres de l'aire de reproduction des belugas du Saint-Laurent. Les belugas étant une espèce menacée. Et c'est le plus gros bassin de beluga. Mais bon, il y a eu une forte réaction citoyenne. Beaucoup de gens à travers le Québec ont réagi. Beaucoup de pétitions, recours juridiques, et j'en passe. Il y a même, il faut le dire, 50 municipalités québécoises qui se sont prononcées contre le projet de TransCanada. C'est pas rien. Finalement, le gouvernement Couillard va imposer 7 conditions avant l'approbation du projet. Ça reste à voir, donc... si ça va vraiment aller de l'avant. Une autre victoire, c'est le BAP tout récent, c'est-à-dire le Bureau des audiences publiques en environnement, a hautement critiqué l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste, aussi appelés pétrole de schiste, dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, suite au rapport très négatif du BAP, il semblerait que la porte soit fermée maintenant à cette industrie au Québec. Mais c'est pas toujours clair. Les déclarations récentes de notre premier ministre au Québec... C'est pas super limpide, mais il semblerait que le gaz à schiste ne soit plus la bienvenue au Québec. Le nombre de véhicules électriques au Québec a doublé. C'est quand même une excellente nouvelle. On a dépassé le cap de 5000 véhicules électriques au Québec. Et en conclusion, Équiterre a fait un important travail pour interdire certains pesticides qui ont créé un hécatombe chez les populations d'abeilles en Amérique du Nord. Ça a l'air d'un détail, les abeilles comme ça. Mais en fait, ça a des conséquences écologiques énormes, incluant sur nous. Si les abeilles trépassent, l'impact sur les humains et l'environnement pourrait être assez spectaculairement pas bon, assez négatif. Mais les recherches scientifiques nous aident à savoir quels sont les pesticides impliqués. Et le gouvernement Couillard devrait interdire ces pesticides, mais c'est pas encore fait. La réponse se fait toujours attendre. On va passer à la musique. Et pour le reste de l'émission, vous allez voir, ça va être plus musical d'ailleurs, avec quelques nouvelles chansons. Cette chanson-ci s'appelle « I Believe », produite par des artistes de la communauté Chisasipi. Chisasipi, c'est en fait proche du Nunavut, c'est dans le nord du Québec, pas loin de la baie James. C'est pas mon style musical, hein. C'est une chanson hip-hop très américaine, mais les paroles, par contre, sont produites vraiment par des jeunes cris de cette communauté-là. C'est en anglais. Et dernière nouvelle là-dessus, lorsqu'ils l'ont mis sur iTunes, elle est montée en 8e position au Canada dans la catégorie hip-hop. C'est pas rien. Alors, on écoute. Can you relate with the pain and struggle? There is a light down the caves and tunnels. I won't go quiet, you can take my muzzle. Breathe in, breathe out, trying to feel air. Speak truth, let it show them that we still care. Look death in the eyes with a real stare. From the heart, is there something to reveal there? My mind is gone, my heart is pure. Do I belong? I need my cure. I find a soul, so I endure. Can't you see it's why? That kept me in the dump. As I take my steps to earn respect and show my people love. In the progress I feel exhausted, but I know the road is tough. Share your thoughts and expressions to the only one above. One day I'll get away from this place that drains my strength. I just need some inspiration to continue what I think is better for my future, because it's never too late. We must believe in great things to achieve your success. I gotta figure out just how to live this life. Struggle every day, never give up that fight. I'm trying to get it right, I gotta find a light. But it's taking me days and it's taking me nights. And I'm never gonna let it take the best of me. Stay true, stay real, that's the recipe. Even when you're down and out, got no energy. Just look to the sky, let yourself fly free. My mind is gone, my heart is pure. To ball. I got a dream, I'ma make the call, it's reality. I'll never fall, don't tell me how to be. Never really stop me or hold me down, cause I know what I'm doing, I'm growing now. I wanna be free, make my homies proud. Making my moves, I'm going loud. My mind is gone, my heart is pure. Do I belong? I need my cure. Yeah. Donc, c'était les paroles d'artistes, de jeunes artistes de la communauté Chisasipi, dans le nord du Québec, pas loin de la baie James. C'est pas rien. Certains de ces jeunes-là ont fait des tournées mondiales pour vous dire à quel point ils sont populaires et talentueux. Mais on passe à la chanson « Pardon, messieurs, dames » de chanteurs français qui s'appelle... en fait, il se fait nommer C-Y-R-Z. Ça sonne un peu comme Sears. But still, I can't. lose my temper. Yeah. How can we keep on watching that fucking TV? We're so bored, we don't even care what we see. Takes our strength away and never shows us the way. No. But I think I know the answer. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. How can the banks of a river meet? Sitting on her bed, staring at her feet. She thinks life is water, and love is a river. Is a child the answer? It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. Where we wouldn't ask any more questions. There will be no more pretenders. Yeah. Use the love. Only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. It's only mystery. C'était la chanson It's Only Mystery, interprétée par Arthur Sims. En fait, ça vient du film culte Subway. Un film un peu étrange. Ben, étrange. Un film un peu vaporeux. Un film culte, justement. Original en son genre. Et cette chanson-là, je l'adore. En tout cas, c'est une ancienne chanson. Et avant, c'était Pardon, Messieurs, Dames, du chanteur CYRZ. Une chanson très à parole. On va passer avec un bloc un peu plus autochtone. C'est la chanson Aïdja Dja de Lucy Idlout. Lucy Idlout vient du Nunavut, mais elle a fait une carrière un peu rock au coin de, dans les alentours de Toronto. Vous allez voir, c'est fort intéressant. Slipped another drink, eating. save them from the heroin. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Save him for God, bring him to Benny. Stone for narcissists. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. C'était la chanson « Aïe, Dja, Dja » de Lucy Idlout, la dernière chanson de l'émission. Une chanteuse française assez connue qui s'appelle Camille, avec la chanson « Vous ». Est-il bien nécessaire de me dire « Vous » plutôt que « Tu » si c'est pour par derrière me botter le cul ? Là-bas en Angleterre, ils se disent tous you, c'est plus clair. De Toto, Tony Blair, Alisa Rassu. Tout est beau sur la terre, dit l'hippopotame en tutu. Au lit comme à la guerre, on est tout poilu. C'est la faute à Voltaire, m'a dit ce cocu de coquet. S'il te faut des barrières pour me croquer cru. Tu sais trop tralalaire, vaut un tantinet statutaire. Alors autant se taire et se sauter. Est-il bien nécessaire de te dire vous plutôt que tu? Est-ce pour qu'au nom du père du coup je vous tue? Que vous dans cette affaire, le beau achat tout au grand air, des modos tout sans verre au studio d'avoue. Là-bas en Angleterre, ils se disent tous you, c'est plus clair. De Toto, Tony Blair, Alisa Rassu. Tout est beau sur la terre, dit l'hippopotame. As-tu vu l'univers quand il est terminé? Tu sais trop de la l'air, faut un tantinet. Saucisson, serpillette et chapeau pointu. Est-il bien nécessaire de me dire.